Martine Leroux, chercheur au Cresson, s'interroge sur la dynamique du comportement bruyant et sur les facteurs psychosociologiques qui peuvent rendre compte de ce comportement. Elle a étudié trois populations de faiseurs de bruit. Les faiseurs de bruit ordinaires, les musiciens, les professions bruyantes. Martine Leroux. Nous nous sommes interrogés sur le rapport à l'espace domestique, à l'espace privé, c'est-à-dire comment les faiseurs de bruit conçoivent finalement le dedans par rapport au dehors. Second thème d'analyse, comprendre la position du faiseur de bruit dans le réseau de voisinage. Autre thème, le rapport aux normes, les normes techniques, les normes juridiques, également les normes sociales. Autre axe de recherche, le rapport entre la perception sonore et la production sonore. Voilà, quelques figures de faiseurs de bruit. Alors comment, autour de quel pôle s'organise cette typologie? Pour les faiseurs de bruit ordinaires, c'est autour de la notion de norme. Alors nous trouvons l'individualiste pour lequel le bruit est un plaisir, c'est son plaisir. Souvent, cette conception du bruit est accompagnée d'une espèce de, je dirais, de mythe. Le bruit, c'est la liberté, c'est la vie. Dans le cadre du voisinage, enfin dans les rapports de voisinage, l'individualiste ne cherche pas vraiment à lier connaissance avec les autres voisins. Il respecte la politesse. Un peu d'hypocrisie, parce qu'il ne faut surtout pas être dérangé pour son bruit-plaisir. Quel est le rapport entre la perception et la production? Eh bien, le faiseur de bruit, disons l'individualiste, a conscience de la dissymétrie. En dehors des normes, je citerai une autre figure de faiseur de bruit, c'est le vitaliste. Le vitaliste, finalement, exprime sa forme, sa bonne forme, par le bruit. La conception de l'espace domestique du vitaliste diffère de celle de l'individualiste. Il conçoit très bien que c'est son espace intime, mais il conçoit que les autres aussi ont besoin de cet espace. Et dans ce cas-là, alors le rapport entre la perception et la production n'est pas dissymétrique, elle est symétrique, mais sélective. Le rapport au voisinage du vitaliste est un rapport de convivialité. Et puis, il y a, parmi ces faiseurs de bruit ordinaires, ceux qui, alors là, ont un discours tout à fait normatif, non seulement norme temporelle, mais je dirais c'est la figure du normal. Alors, le normal, cela suppose que celui qui est gêné, c'est l'autre qui est en deçà des normes. Le bruit normal, c'est souvent le bruit des enfants, pour lesquels les faiseurs de bruit demandent la tolérance. Le rapport au voisinage du normal est plutôt minimal, poli également. L'espace domestique est plutôt l'espace familial. Alors effectivement, il peut y avoir des bruits venant de l'extérieur, on peut les percevoir. Le normal estime qu'il les tolère. Par conséquent, son discours, enfin rapport production-perception, est un discours de tolérance, sur la tolérance. Et il s'agit davantage ici d'une symétrie que j'appellerais normative. Dernière figure des faiseurs de bruit ordinaires, je présenterai la figure du terroriste. Alors le terroriste, il est du côté des normes, mais c'est sa norme. Alors ça veut dire que le bruit, enfin dans ce cas-là, si vous voulez, le bruit est une provocation. C'est le bruit terreur, bruit de provocation. Les rapports au voisinage sont des rapports de mépris et de refus. L'espace, eh bien, mon espace, je le modèle comme je veux, j'en fais ce que je veux. Par conséquent, moi, je peux faire du bruit. Si j'estime que l'autre en fait trop, notamment à 22 heures, je prends mon marteau et je tape. Donc, le terroriste est une figure de faiseur de bruit qui, bien sûr, a un rapport perception-production dissymétrique. Lui, il peut faire du bruit. La typologie des musiciens ne tourne pas autour de la norme, elle tourne autour de l'image sociale du musicien. Il y a d'un côté ceux qui, disons, sont en adéquation avec cette image sociale du musicien, ils sont reconnus, alors qu'ils soient professionnels ou amateurs. Je dirais que les musiciens professionnels se savent, je crois, voués au pavillonnaire. Je dirais que les musiciens qui sont en adéquation avec avec l'image sociale du musicien, ceux-là ne s'intéressent pas particulièrement à l'acoustique. Pour les autres, peut-être davantage les amateurs, alors là, les questions de technique acoustique se posent. Ils cherchent à bricoler sérieusement. Les problèmes des professionnels ont une toute autre envergure. L'enjeu est économique. Avoir des plaintes contre le bruit du local commercial, c'est risquer la fermeture. Par conséquent, tous ceux qui gèrent des discothèques, enfin tous les propriétaires de fonds, sont, je dirais, très inquiets par ces plaintes et vivent tous ces plaintes un petit peu comme une injustice. Ils y voient de la démesure. Il y a une démesure entre la plainte d'un voisin ou de deux voisins et leur activité, leurs investissements, le nombre de personnes employées. Et finalement, ils ne comprennent pas tellement. Les discours des professionnels sont des discours à dimension, je dirais, politique, puisque ils mettent en avant les autorisations qui leur ont été données. Il est fait référence à la ville qui veut animer son centre et qui finalement se retourne contre ceux qui l'animent.